Ce que j'aime dans le rock, c'est son effervescence permanente, ses variations d'intensité, mais n'oubliez pas, le rock, c'est d'abord un état d'esprit. Yes, a strange, strange game. Strange, strange game. Such a shame, shame, shame. Yes, a strange game. Living this way. gonna shake now someday. I know the breakdown. Tell me again, am I awake now? Maybe you can find the reason that no one else is living this way. Yeah, I live in this way. Ouais, dans Pop and Rock, on enchaîne la BO d'une série et les plus requins tantriques, mais il y a tant à écouter que les choix et les enchaînements pourront surprendre. Mais quand on aime... Empty street down the corner, I can't help but wonder how you can shine so bright when you know that we live in a bad world. You carry the blues all day long and you sing your heart out to strangers. You carry the gold in your hands, please don't let them steal your fire. Can you make me feel alive today? Teach me how to play the blues that way. Or too easy. You'll never play the guitar on TV, but you'll learn how to be true and happy. Bring me back to the days where there was nothing but soul and magic. And carry the gold in your hands, please don't let them steal your fire. Can you make me feel alive today? Teach me how to play the blues that way. Déguster une des seules cautions françaises du soir, la discrète, voire l'anonyme amoureuse des Black Keys, Laura Cox se fait une toute petite place dans nos programmations. Mais pour revenir à notre thème du soir, 2025 a été aussi marqué par le retour des clones ou des groupies des Sisters of Mercy, et on va enchaîner donc deux clones, des potes de Andrew Elrich, voici les froids et noirs A Projection, suivi des non moins sombres Merry Thoughts. We'll be right back. Pour sortir de cette froideur de saison, fonçons à présent vers Bar Italia, dont le pseudo trompeur n'évoque en aucun cas leur origine. Découvert fin 2025, voici Bar Italia. So am I one? thoughts are my world. When you make it does me no good, I need you more than I should. There's no space that's safe, I got no escape. The kingdom monster you said I would. So misunderstood, I don't know my feelings. When someone was shut by my eyes, you asked me why you denied. Already knew that I'd lose, future came way too soon. Became the monster you said I would. Lost in Hollywood, I don't know my feelings. Tout à l'heure j'évoquais la caution française en parlant de Laura Cox. Mais comme souvent, j'allais un peu vite car j'oubliais de vous parler des festivals rock de l'été qui ont été secoués par des petits genoux français. Les Dynamite Shakers sont nés pour Pop and Rock en 2025. Force de gratter, votre pop and rock vous envoie parfois avant les autres radios des artistes en devenir. Mais comme personne ne nous écoute, tout le monde n'en sait rien. Mais ça, on s'en fout, parce que le plaisir, c'est de faire ça pour nous. Golden dawn. calling me. Give me a mountain, something divine, a river that can carve its way through stone and time. 'Cause I don't want a theocracy or some idle ideology. We're all made from stars from above. I pledge allegiance to my soul. I follow where she needs to go. I'm a pilgrim for the empire of love. I'm a pilgrim for the empire of love. Oh. Le slogan de Pop and Rock pourrait être « Non, le rock n'est pas mort ». Et ça tombe bien, c'est aussi le leitmotiv du grand blond Jayassi. Running down the road. Parfois c'est un artiste solo, parfois c'est un groupe, souvent c'est un album complet, mais de temps en temps c'est juste un titre qui nous flash. En 2025, et je pense avec beaucoup de retard, c'est Doust, un titre de Div, qui a tourné en boucle sur nos platines numériques. Les pseudos des groupes sont de vrais jeux. Comment être original tout en restant dans les têtes des masses laborieuses et difficiles. Et certains groupes s'excusent d'être « Sorry » est apparu dans nos listes fin 2025. I said I love you. Notre pop and rock avance alors qu'il nous reste tant à vous envoyer dans notre bilan 2025 du Car Seat Addressed, du Will Toledo, Osprince et autres chalalises. Mais il faut choisir et ce sera la douceur d'une troisième française qui reste mystérieuse dans son closer. Encore des filles, mais cette fois-ci, c'est plus du français et ça s'appelle Lambrini Girls. We'll be right back. was in the office. Let's have more fun in company culture. Pretend that I know how to use a computer. Harassing the workplace, but caressing bitch face. When will I learn that they just do it better? Cause all men know best me. Yeah, human resources say I'm asking for it. Look over my shoulder, indecent exposure. My co-workers say I've got no sense of humour. Smile and ignore that. My boss wants to find me the wandering eyes at all times in the office. Day on the job looking hot, playing dumb. When will I learn that they just do it better? Michael, I don't want to suck you off of my lunch break. Company culture, pretend that I know how to use a computer. Harassing the workplace, my cold resting bitch face. When will I learn that men just do it better? Let's have more fun in company culture. Pretend that I know how to use a computer. Harassing the workplace, my cold resting bitch face. When will I learn that men just do it better? Allez, l'heure de nous quitter arrive, on va confier les clés du studio à Ami et les C-Sniffers, non pas parce qu'on les a découverts en 2025, mais parce que c'est en 2025 que pour la première fois on les a vus en live. C'était, oh oh, c'était géant. Allez, sur ce, bon vent à tous. You got them big dreams, you wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and, well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Just take a breath and get yourself together. I swear, hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. It isn't easy when the town's full of broken hearts. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. You wanna get out of here. il nous reste quelques instants. On se quitte avec Bob Mould sur ce ho-ho, encore une fois, bonne année 2026.